sur le 96.2 si vous venez de nous rejoindre. Chantal avec vous jusqu'à 16h30. C'est votre émission Groupe Tropical. Toute l'actualité musicale qui nous vient de la Caraïbe avec tout ce que vous aimez. Nous venons du soleil avec bien sûr du zouk, du compas, la salsa, etc., etc. Restez bien calés sur le 96.2. On va bien vous ensoleiller les oreilles. Pour la femme exprimer tout ça qui traversait. Tandis que yon pense, yon gason conséquent. Si yon être de fer et qui change en cœur. Ça fait longtemps tendé, y'a des thèmes de junior. Seul foot me fait saisir, tout ça que moi senti. Est-ce que c'est yon défaut, ou bien signe de faiblesse? Le mot choisi bêté. Nous faisons tout, ça va se priver. N'a pas gagné, où y'a à priver. Nous faisons tout, nous faisons prier. Nous connaissons bien, tout ce qui est métier. Dès qu'il s'agit de moi, y'a moyen insensé. Irresponsable, le monde sans foi ni loi. C'est une simple façade, moi toujours exposé. Comme si on est souciant, j'ai plein de pensées. J'ai moins décidé, j'ai une confidence. Moi c'est un monde sensible, me charge et compassion. Une triste vérité, faut nous pas ignorer. Là c'est un niveau vert, on s'en voit à défendre. Nous battons à coup, ça va s'en priver. La paix gagnée, pas un couillon à refuger. Nous battons à coup, nous passons à prier. Nous connaissons bien. même si la moi fait garder la balle, même si les mignes parlent. C'est pas le démon sagué partout, il parle pas. Et c'est seule femme que moi j'aime. Pas je moi vivre sans même. Et c'est seule femme que m'a donné. Les nouveautés Zouk 2021 dans votre émission Groupe Tropical, c'était l'INSEE. Avec fin des bails. Arrive. Allez, restez bien calés sur le 96.2. Ça continue avec Marvin et c'est Galilée. 14h, 16h30, c'est Groupe Tropical et c'est Chantal qui vous accompagne. Secret, je peux réaliser. J'aime tout même tes défauts. J'aime tes formes galilées. Je t'ai gravé dans la peau. Comme un son d'Alizée. jure, je suis celui qu'il te faut. Je suis prêt à lâcher tous mes bails, tout abandonner. J'accepterai tes névroses. Crois-moi, il en faudrait bien plus pour m'impressionner. Le reste est qu'un détail. Si nos deux cœurs battent ensemble, qui peut nous séparer? Soit mon diamant, soit mon crâne. Fom ki tou Maria yo pa kalete yo. sans papa pas là. Téléphone et maman. Oui, pas dans maman pas là. Téléphone et maman. Pas dans papa pas là. Téléphone et maman. Pas dans tu crois pas là. Téléphone et maman. Mwen kay me liye pou mwen, ankon la men ble ya, kaya gwa pil wach la. Mwen la jem mwen, la jem mwen, la jem mwen. Mwen kay me liye pou mwen, ankon la men ble ya, kaya gwa pil wach la. Charlotte, pan sa koko, lese la vi ba la jenaz. Charlotte, pan sa koko, lese la vi ba la jenaz. Charlotte, pan sa koko, lese la vi ba la jenaz. Charlotte, pan sa koko. Arc-en-ciel. ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Créola, jazz la jeunesse là. Ça c'est là. Allez, go. Qu'est-ce baby shake your bum bum bum. Fait that your show baby like bum bum bum. Bagadé bum bum bum. Bum bum bum. Sorry baby but you know bum bum bum. So fix that baby shake your bum bum bum. Fait that your show baby like bum bum bum. Bagadé bum bum bum. Bum bum bum. Bum bum bum. Bum bum bum. Bum bum bum. C'est que ma vie c'est monter de faire comme ça. Ouh la la la la. Ouh la la la la. Qu'on son dada. Qu'on son dada. Si c'était longtemps moi t'as pris. Oh my god. Qu'on se démonte de mon quartier. Qui bagaille. Ouh la la la la. Ouh la la la la. Ma pire est hala. Ouais. Yeah. chose qui faisait battre mon cœur. J'ai su par tes délires sans dire un mot car j'avais si peur de te faire du mal, même si j'avais mal. J'ai longtemps pleuré ton départ, mais tellement que tu n'es plus là, j'ai compris. Fallait te quitter, fallait te quitter, fallait te laisser pour me retrouver. Fallait te quitter et tout abandonner, fallait te laisser pour moi. Mais dans la joie passée, à présent raison, moi c'est la coupe. Mais c'est pas quand empêcher, gardez-moi. Toujours assis sur moi. Il en l'air tous les jours. Peut-être qu'il love moi en piston. Il dit moi qu'elle c'est taille. C'est pas parti mon aïe. Même si il n'y a un homme, c'est moi, il n'y a c'est qu'elle. J'en dis là qu'on fait des fois qu'elle nous connaît. Nous, pas les épaules d'optimiste qui pas connaître. Fin en place en moi. Toucher ou en place en moi. Ça t'a fait moins mal quand imaginer ou sans moi. Fin en place en moi. Toucher ou en place en moi. Ça t'a fait moins mal quand imaginer ou sans moi. Moi qui fait tout. Mettez-vous en moi, tout chaque jour. Les voix se lèvent en moi quand on me frissonne. Yeah, ma vie fait frissonner. Ouais, ma vie fait tout. Et en moi, tout chaque jour. Les voix se lèvent en moi quand on me frissonne. Ma vie fait frissonner. En qui fait tout, puis pas jamais oublié qui m'en aille. Niquer toujours songer, mais ça taille avec mon niveau. En commandé, si toujours le vrai moi est gagné. Mais crier fort, mais pas bon, non, moi ça qu'arrivé. Ni décaille, oubliez-moi comme ça. Un inoubliable, oui, baby, on savait. Sans faire un récap, dès qu'ils en nous dégain. Dès qu'ils en nous dégain, quadriller le terrain. Papa, oubliez-les, ou t'es qu'à mort pour moi. Qu'à ça, t'es qu'à faire, les ou t'es qu'à pour moi. En vie, faut frissonner, boy. Pour les gens chiffonner. En qui fait tout, oui, t'es où en main. De tout chaque jour, ou à ton rêve, moi, qu'à faire me frissonner. Pas qu'à démissionner. Mettez-vous en moi, tout de chaque jour. Les voix se lèvent en moi, car on me frissonne. Yeah, envie de frissonner. Ouais, en qui fait tout. Mettez-vous en moi, tout de chaque jour. Ou à ton rêve en moi, car on me frissonne. Pas qu'à démissionner. Je l'aime cette fois à poil. cette main. Mettez-moi sous mes mains. Moi, moi tempérament chaviré, fais dit confiance. Ça tourne, nous va gaver. La vie m'a forcé chaque jour. C'est jalousie à qui se doit m'inventer. Tout d'aspirer. se pa chanm sa k te nan pase. Ou maltrete m te respekte m prive m tout kote mati selman ban. Ou ki se lom jem ou itilize m ou cheche kote m yon son jem existe. Ou me pre mariage pou toujou me kounye ou vle mwen defini sex free nou. Ou te fèm senti ou te mouvè Vire tourne ou telefone Mande ki chounye pa chanmè la gè Ou malgré tout ça se pa chanm vérité Ou tap mêlé avèm vraiment yon vi caché Tout projè ma vie ou yon rive gâché Mè kounye ou vle mwen devenu sex friend I'm not your sex friend I'm not your sex friend Oh, solide. On a qui qui fait plaisir. Car ça guerre on nous ensuite. Si j'en meurs tout est timide. Non, non, ma fille, faut pas courir. Savez, c'est comme ça. Moi, fais maman sourire. Cacher l'amour, moi pour mettre toute sincérité, ma faveur pour l'éternité. Puis prêt, c'est la place moyenne. Bon côté, on se la boule. Nous pouvons continuer à rêver. Mais dans la gorge cachée. When you turn in that wave, cock up the leg. I make you a galang so far. Healthy body trade from Africa. I'll be close back to Gambia. Like Nigeria, Jamaica. Keep on whining like that. Keep on bubbling like that. Keep on whining. You gon' get what you deserve, girl. Keep on whining like that. I can talk like reggae like that. Keep on whining. You are not communicate, mama. Go down and pick up the pace, mama. I like the way you say shit, mama. Put that thing on rotate, mama. Baby, put me in my place, mama. You know I go fly for your kiss, mama. Baby, go down with the pace, mama. Take it easy. You can't come and please me. Cool it down, down, down. Go down, cool it down, down, down, go down. Take it easy, baby girl, come and please me. Cool it down, down, down, go down. Cool it down, down, down, go down. Vibrate, vibrate, vibrate, vibrate, vibrate. Thick girl, slim girl, vibrate. Skinny girl, fat girl, vibrate. Son nous river là. Ça pas gué l'autre amour et à votre coup de magasin. Qui est-ce dans nous que la cause parce qu'il m'a fait tisser faute pas ou pas. Nous sommes la gamme, moi qu'on est gens qui t'aiment à faire moins mal. Ça qu'a tout y'a main. Ou à joindre your love. Capo love. Love, you love, moi t'as supposé pas où. Ça qu'a traché ou à jouer, you love. Qu'a call love, love, you love, moi t'as supposé pas où. Est-ce que happy, happy, happy. Est-ce que happy, happy, happy. Chérie, ou bien qu'on est dans qui façon nous rive là. C'est pas bien longtemps, moi, avec un coup de marre ça. Pas besoin d'une fête, je cherche parce qu'on ne sait faire pas. Yeah, la seule chose que je sais, ce petit coup de pique te fait du mal. Ça capte tout. Posé bam, ça t'abrache ou là, moi n'en prie là, car comme love, love, love t'as si posé bam, yes moi happy, happy, happy, yes I'm happy, happy, happy. Mon piti, m'pas comprendre relation, mais qu'on y a m'vin grandi. Sacré les sentiments, ou pas qu'à jouer à lui. Tourne jouer le papi, prends place ou n'a vie. On fonti piti, n'a pas belle vie. Moi t'es gon bon femme, moi qui t'es l'allée. Prochaine fois ma mère. L'amour en premier, moi t'es bon pour moi, moi t'es bon pour femme, moi quitter l'allée, prochaine fois ma mère, l'amour en premier. Quatre chants coupés de femmes, tant qu'on t'est mon pitié, t'es dit on guet sentiment, laisse ça sérieux ta prime, la ça dit, I'm sorry, papi, qu'on y a bon vrai king, la bonne yon petit. No. T'es bon, bon femme. FL 96.2. La FM en couleur. Mwen mwen fè anpilè lè Anpil fwa san bat konè malke tou Asim bat bon priorite Asim bat men vi ou an premye I used to take you for granted But what I really, really wanted Is to see you by my side Abandonne ou pou mwen Se fon di gen kouraj ki gen fiel Se ou fem fin mwen la vi Se ou fem respekte l'amour I used to take you for granted Oh, what I really, really wanted It's to see you by my side Yaka chan chanje Tout chante pas pensé, la pluie a tombé. Pour qu'il me suspende dans l'indie, ça fait comme un bon tic. Before, before, l'entendez ma bantrée, toute la pas suspende. L'homme a tourné la caille, ça t'a donné ma sirène. Pour nous sauter, quoi, la situation. responsabilité. Quand même faut moi fonctionner. Faut qu'on connaît dans la vie. Il n'y a pas de saut de pied. Si vous voulez que nous nous réussissons, c'est dégager un bout capable lutter. Allez, cachons. Vous m'allez écarté chercher la vie. N'ayons pas de travail. Ayons des responsabilités. Every day m'a postulé, la statue ça fait m'entraîner. On fait même des lèvres à terre, c'est pas problème, ça m'a fait peur. On déclarait tête tout bandit, pour qu'ils aient mon sang, on les combat la vie. Je vais pas faire mauvaise action, pour moi pas atterrir, on est en prison. Bandit toujours mourir dans le film. We'll be right back. combat direct là, que les moutes créées, mobilisées pour ne pas quitter le casé, nous seul combat, nous seul business, nous seul l'été, nous seul loulou, nous seul classe, nous seul d'un coup de paix au faisceau, nous seul parler. Escolhe-me salsa. Oh, no. O grande culpado. Oh, yeah. figure ou sou mwen, pou mwen ka pase jounen ma ve ou mwen. Et puis défendre, tu vois. La bonne à Jean-Claude. Pour y'a fait mal parler, à vous la bonne à Monique. Pour y'a fait critiquer au moins dit. Il sait qui a approché au café sans mi. Et puis vous, pour y'a fait prendre moi. La bonne à Maki. Pour y'a fait critiquer, la bonne à Thierry. Pour y'a fait tes bras, au moins dit. Bien ça fait. Ça fait. C'est ça y'a qu'a dit moi. Mais c'est quoi ça y'a qu'a fait ça? C'est ça y'a qu'a dit moi. C'est ça y'a qu'a fait ça. Mais c'est quoi ça y'a qu'a dit ça? Allez, bah, fais quoi, moi. Mais c'est quoi ça y'a qu'a dit ça? c'est tout à fait ça. En tout cas, il est presque 16h sur la FM Tout en Couleur. Il est l'heure pour moi de vous quitter. Oui, une petite demi-heure avant parce que eh ben, j'ai des choses à faire, moi aussi. Des fois, ça m'arrive. Je suis désolée, mais en attendant, sachez que je vous retrouve, j'espère, la semaine prochaine, si on n'est pas confiné. En tout cas, sur la même fréquence, 96.2. Je vous souhaite à tous une très très bonne fin de journée et un très très bon week-end. Et à la semaine prochaine. Bye bye. Arc-en-ciel 96.2 La FM en couleur.